Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Alors, est-ce que tu es plutôt lion ou agneau? Agneau. Agneau, ouais. Les côtelettes d'agneau, normal, je comprends. Grave. I feel the need for speed. I want the truth! First, take a big step back and literally fuck your own face! All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran! I think a man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You? Don't be funny! Don't be funny! Don't be the money! Complete me. It's your last chance to walk away. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Aujourd'hui, épisode 28, nous allons vous parler de Lions for Lambs, le lion et agneau, un film de Robert Redford sorti en 2007 où Tom Cruise joue le rôle du sénateur Jasper Irving. Sénateur de l'Illinois, figure-toi. Serena, est-ce que tu avais déjà vu ce film? Et dans quelles conditions étais-tu pour le revoir? Eh bien, je ne l'avais pas vu et ça m'est donné zéro envie de le voir. Là, on est au niveau zéro, c'est parti. Vraiment, pas du tout envie de le voir. Mais tu l'as vu. Mais j'ai vu. Parce que tu es dévoué à la cause. Je suis dévoué. à la Cruise cause. Et toi? Et moi, je ne l'avais pas vu, comme je pense beaucoup de gens sur la planète. Et par contre, j'avais envie de le voir par curiosité. Mais là, je pense que j'ai une curiosité pour tous les films qui arrivent parce qu'on est dans la tranche, tu sais, des films où là, c'est le creux de la vague pour Tom Cruise. Et donc, ils sont moins connus, on les a pas vus ou peu vus. Et du coup, je suis très curieux en fait de voir justement quels sont ces différents rôles, sachant que quand tu regardes juste les titres, ça a l'air tout un peu le bordel. Ouais. Du coup, je suis curieux pour chaque film, même si potentiellement, je suis déçu par chaque film. Donc, ça, tu vois, c'est un petit peu le double enjeu, quoi. Ouais. Bon allez, trêve de bavardage, nous allons résumer ce film qui se résumerait par champ contre champ, roquette et champ contre champ. Ouais, à plus peu ou près. Moins. Allez, c'est à toi, Zéana. Alors, nous commençons le film avec un JT, donc un journal télévisé qui raconte que depuis les débuts de la guerre en Irak, 3505 militaires sont morts, de militaires américains. Bien sûr. Et il y a un jeune homme qui regarde à la télévision. On a quatre images les uns après les autres. Il y a Tom Cruise qui regarde des papiers sur l'opinion publique liée au président et est-ce que les Américains croient que la guerre, qu'on va gagner la guerre. On a un militaire qui regarde des stratégies. Militaire. On a Robert Redford qui regarde la feuille de présence des universitaires. Et on voit Meryl Streep qui regarde un carnet, son carnet. Ouais, de notes. De notes, on comprend qu'elle est journaliste. Washington DC, 10h. On est au bureau du sénateur Jasper Irving, donc Tom Cruise. Oui. Et Meryl Streep arrive, on comprend qu'elle est une journaliste qui s'appelle Janine Roth. Et les sénateurs, ils veulent lui parler. Elle ne sait pas trop pourquoi elle est là. Et elle comprend, elle le rencontre et il lui explique qu'il adore cette journaliste parce qu'il fut un temps, elle a écrit un article sur lui en disant qu'il était le nouvel espoir du parti républicain. Républicain, ouais. Et qu'il avait, il voulait lui confier une histoire sur des nouvelles missions en Afghanistan. Donc, il a envie qu'elle écrive une histoire, entre guillemets, honnête. Et il lui dit, on a une heure face à face sans PR, qui c'est le public relations. Oui, c'est les responsables de communication. Des communications. Et elle dit, ah bon, une heure tous les deux. Ok, cool, okay. Let's go. Même temps... Une heure avec Tom Cruise, mais nous, on c'est signe. Génial. Coupe. On va au même temps en Afghanistan. Il est 18h30, donc c'est le même moment, mais c'est des fuseaux horaires différents. Oui. On dit fuseaux horaires. Tout à fait. On est à la base. Serena revient d'Italie, donc elle a des doutes sur tous les mots, ouais, alors que tout va bien. On est à la base de l'Air Force à Bagram et le chef militaire dit qu'il y a une nouvelle opération à ses soldats. Il va leur expliquer qu'ils doivent occuper dans la province de Badakh, Chan, désolé pour la prononciation, mais en province afghane de l'Est, ils doivent occuper Pamela Left, je ne sais pas pourquoi elle l'appelle comme ça, mais un endroit, pour, et créer une base en hauteur pour pouvoir avoir les contrôles sur la vallée et une vue à 360 degrés sur la vallée. C'est un, en fait, maintenant, les positions en hauteur sont énormément importantes. Très, ouais, c'est très stratégique d'avoir cette vision-là pour bien comprendre ensuite les enjeux de la bataille. Oui, donc il faut le faire avant les ennemis et il faut le faire avant que la neige fonde. Oui. Donc voilà, l'opération part maintenant. Bam. Go. Coupe. On est au même temps. Pas maintenant. Coupe. À l'université de Californie, il est 7 heures du coup là-bas. Mmh. Et on est au bureau du professeur Stephen Malley, Robert Redford. Et les jeunes garçons qu'on a vus au début, ils se présentent au bureau et le professeur veut lui parler parce que, en gros, il ne s'est pas présenté les derniers semestres au cours de sciences politiques, Sciences Po. Et il veut lui demander pourquoi, parce qu'il trouve que c'est un garçon qui a énormément de potentiel et qu'il est en train de gâcher ce potentiel. Mmh. L'élève, c'est Andrew Garfield. Voilà. On donne tous les noms. Et bon, le garçon, il dit, bon, j'étais occupé, en gros. Oui, et le professeur lui dit, je ne suis pas d'accord, je ne te crois pas. Si tu veux, je te donne un B pour le reste de l'année à deux conditions, que tu restes avec moi la prochaine heure et que je te raconte des deux de mes meilleurs élèves des dernières années qui m'ont rappelé toi. Ok, d'accord. On revient. Le prof, il te dit, écoute, je te mets une note et. C'est bon. Après, t'es pas emmerdé. Sachant que ça a pas l'air d'être un prof commode parce qu'il a pas l'air de mettre des super notes à tout le monde. Hein. On non, le voit un petit peu au long du film. On revient à Tom Cruise, Meryl Streep, donc les sénateurs et la journaliste, et Tom Cruise explique que maintenant la guerre, c'est faire des plus petits groupes. D'attaques, donc des plus en plus petits et pas des grands bataillons mais des tout petits groupes, d'avoir ces positions en hauteur parce que ils ont peur de l'intromission de l'Iran dans la guerre. Du coup, si l'Iran s'est mis en coalition avec Afghanistan et Irak, c'est la fin. Donc là, il faut gagner. Parce que l'Iran est en plein au milieu et que du coup, si ça facilite trop les passages entre les deux pays. Et qu'il a des bombes nucléaires et que, aussi. Oui, voilà. Il fait des tests. Il y a le développement des armes nucléaires. Du nucléaire. Et elle dit, ok, d'accord, vous voulez... Du coup, elle lui explique qu'ils veulent prendre ses points en hauteur en Afghanistan. Et elle dit, ok, d'accord, ça commencera quand ? C'est commencé il y a 10 minutes. Nous, on le sait parce qu'on a vu le film. Donc On est dans l'avion des militaires qui sont en train d'aller vers ces points importants stratégiques. Et ils doivent s'y parachuter. Il y a une attaque imprévue, alors qu'ils pensaient qu'il s'était désertique, cette zone. Oui, ils se font attaquer. Ils voient des débris de fusils, enfin de missiles air-sol-air. Mais en fait, ça a l'air d'être inopérant. Oui, du coup, ils ne sont pas trop inquiets. Et en fait, ils se font attaquer. Donc, la plupart des gens sont blessés à l'intérieur de l'avion. L'avion est endommagé. Il y a un gars qui tombe de l'avion blessé et qui précipite dans le vide. Il y a son copain, c'est quand on a appris un peu avant que c'était son copain, qui, dans l'angoisse, dans les moments de panique, il se jette aussi pour le sauver. Pour le sauver, ouais. Bon, on revient au professeur et à Todd, donc, qui parle de son futur. Et on comprend que les deux élèves dont on parle, qui étaient brillants et tout ça, c'est les deux militaires qui sont tombés de l'avion. Ouais. On revient, donc, les deux militaires qui sont tombés de l'avion sont dans la neige. Ils sont blessés, gravement blessés. Ils sont à quelques mettre des distances l'un de l'autre, mais ils ne peuvent pas se rapprocher parce qu'ils ne peuvent pas bouger. Oui, il y en a un, il a la jambe qui est cassée, et l'autre, il a la jambe qui est coincée dans la neige et tout ça. Dans la base militaire, dans ces moments-là même, on dit au chef, colonel, général, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est, que la mission a échoué, qu'il y a énormément de blessés, l'avion est endommagé, et qu'on a perdu deux militaires, donc Finch et Rodriguez, et ils sont disparus. Et lui, il dit, OK, il nous faut les images du satellite pour voir où ils sont. Il les voit et il les voit qu'ils tirent. Donc ils comprennent qu'ils sont encore vivants. Ils voient les explosions des tirs. Mais par contre, ils comprennent aussi qu'il y a des ennemis qui sont en train de les attaquer. Et oui, ils sont en train de les encercler dans les montagnes pour les capturer. On revient au professeur. C'est beaucoup des coupes. On revient au professeur qui raconte aux jeunes étudiants que Ernie et Arien, donc les deux militaires, c'était des élèves très très brillants et qui se sont portés volontaires. Ils se sont engagés volontairement dans l'armée et qu'ils ont eu du vrai courage. Et il dit aux jeunes garçons, mais et moi, ils échangent un peu un truc sur eux, ils ont des courage et toi, t'as peur de quoi? T'as énormément de potentiel, pourquoi t'es pas là? T'étais les garçons les plus brillants de la classe et là, t'as disparu. Oui, en plus, est-ce que c'est là où il y a eu le flashback sur justement Ernie et Ariane qui font leur présentation? Non, c'est après. Voilà. Il y a le flashback sur les Andrew Garfield, donc Todd. Ah oui, qui a une répartie brillante en cours alors qu'il n'a pas lu le livre. Il n'a pas fait ses cours et il est les génies, quoi. Mais il est quand même un génie. Oui, et il compare en disant que toi, t'es un génie naturel et eux, c'est des gros bosseurs qui sont devenus des génies, entre guillemets, quoi. Oui, et qui lui dit, en gros, toi, t'as les potentiels de... Mais tu bosses pas, et eux, ils bossent pour avoir le potentiel. Ouais, voilà. Et en plus, eux, ils viennent d'un milieu hyper pauvre, où ils ont pas des moyens, ils ont fait des études dans des écoles pourries. Toi, t'as tous les potentiels, t'as eu tous les meilleurs, écoles, et tu jettes ça à la poubelle. Oui, parce que du coup, Ernie et Ariane sont... Ariane est noire, et Ernie est mexicain. Mexicain, ouais. Et on revient au sénateur qui dit, la journaliste n'est pas convaincue de cette nouvelle tactique en Afghanistan et elle n'arrête pas de lui poser des questions en disant, mais est-ce que vous avez pensé à retirer les troupes? Elle est très, douteuse des nouvelles techniques en Afghanistan. Le sénateur dit, oui, on a fait des erreurs. Ben alors, c'est quoi, avec vos mots, exactement les erreurs que vous avez faites? Il dit, en gros, les décisions ont été toujours prises par des hommes qui n'ont jamais été en bataille et il y a eu une mauvaise publicité. Oui. Donc, mauvaise communication. Communication autour de la guerre. Et elle dit, mais vous avez fait... Vous qui prenez les décisions maintenant, vous êtes allé au combat. Elle dit, non. Non, mais j'étais militaire, il était dans l'intelligence américaine parce qu'il était très brillant. Il était dans le renseignement. Et... Voilà. Et il était sorti majeur de sa promotion de l'école militaire. Voilà. Et il est dit, et vous, les journalistes, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous étiez de notre côté Et moi, j'admets les erreurs que nous, on a fait en tant que gouvernement. Pourquoi tu fais pas des erreurs, tu admets pas tes erreurs de la presse en général? Parce qu'on est dans la même, on est dans la même équipe. Et vous-même, vous avez mis en péril la vie de ces soldats comme nous. Donc, prends tes responsabilités. Voilà, il a un appel, il sort et elle reste toute seule dans les bureaux et elle regarde les photos qu'il a avec George Bush, Condoleezza Rice et toute la politique de l'époque. Et elle voit qu'il a encadré un article qu'elle avait écrit au début. Oui, l'article où elle raconte que c'est la nouvelle génération et que c'est lui qui peut sauver le parti. Voilà. Donc, on coupe au professeur, non pas au professeur, mais au passé de Ernie et Arien, donc les deux soldats qui étaient dans la classe du professeur. Et on voit en fait qu'il doit faire un exposé sur l'engagement, un truc comme ça. Ouais. C'est pas très clair l'exposé. Bah, en tout cas, c'est eux, ils prennent cet axe-là de parler de l'engagement. De l'engagement, ils disent les États-Unis à l'extérieur, ils sont très engagés. On n'a jamais eu autant d'ambassades. Il y a énormément de rencontres diplomatiques. Par contre, à l'intérieur du pays, ils font rien. Voilà. Il y a énormément de problèmes, ils sont pas pris en compte. Et on refuse de voir les problèmes internes et on s'immisce dans tous les problèmes extérieurs. Et du coup, il y a un petit débat à l'intérieur de la classe en disant « Oui, mais vous êtes très hypocrite, vous dites ça, mais vous ne faites rien. » Et ils disent « On fait rien. » Non, regardez. Et ils montrent qu'ils s'engagent dans l'armée tous les deux. Le professeur, il n'est pas du tout content. Il est surpris en plus. Il est surpris, il fait un repas avec eux. tous les deux. Il leur explique pourquoi vous faites ça, vous allez mourir, en gros. Et ils disent oui, mais nous, on doit être au bon moment, au bon endroit, et c'est être à l'intérieur de l'histoire. Si on fait cette bataille, c'est la chose la plus importante qui se passe aujourd'hui, donc il faut qu'on soit, qu'on participe. C'est notre façon de s'engager. Et en plus, si on est des vétérans, on aura les études payées. Il y a les deux trucs. Il y a le côté économique, c'est qu'en fait, après, ils auront plus à galérer pour payer leurs études. Et c'est leur réflexion aussi, c'est de se dire que tu peux pas être que dans la réflexion et dans, dans les études. Il faut aussi, à un moment, avoir des engagements concrets pour pouvoir continuer d'alimenter ça. Et le professeur, il dit si vous revenez, mais et seulement si. Et puis lui, il est très inquiet de ça. Capte. On voit Ariane et Ernie dans la neige. Ils sont en train de tirer sur les ennemis et un avion arrive et bombarde tout autour d'eux. Donc, c'est un avion des Américains qui essaie de les sauver, de tuer les ennemis autour. Après, on recoupe au sénateur qui revient de son appel. Meryl Streep, la journaliste, fait un peu son mea culpa en disant « Oui, c'est vrai, la presse... notre chaîne, c'est devenu un peu juste des chiffres, des rentabilités. On ne suit plus les vraies nouvelles. C'est vrai, je fais mon... on s'est trompé, quoi. Mais quand même, votre plan, ça me... Je ne suis pas convaincue. Qu'est-ce qui se passe après, si ça ne marche pas et s'il meurt? Et Tom Cruise, le sénateur, dit « Non, nous, on a besoin de gagner en Afghanistan, parce que si on ne gagne pas en Afghanistan, c'est fini pour les États-Unis, pour... » Ça met en cause, ça remet en cause toute la politique des États-Unis et de leurs forces et tout ça. Donc, il faut gagner et il faut que vous me souteniez dans cette... avec un article dans c'est cette... Et elle dit, quand même, c'est un peu louche. Est-ce que c'est tout... Si cette opération réussit avec votre nom, est-ce que vous... c'est votre technique pour être très important dans les partis et devenir président? Elle dit, non, je ne deviendrai pas président, je refuse. Bon, on comprend qui veut. Oui, c'est ça. C'est bizarre. Elle essaie de comprendre, en fait, pourquoi elle la reçoit comme ça, pourquoi il veut lui faire dire ça, comment il... Parce qu'il est présenté comme le mec qui est très, très bon en com, donc elle est méfiante. Très méfiante. On arrive à la fin du rendez-vous entre le professeur et Todd. Donc, Todd, il dit, mais vous me dites qu'eux, ils étaient des élèves brillants. Vous dites que vous n'êtes pas pour la guerre. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous voulez m'enrôler aussi. Vous voulez que je pars à la bataille. Il dit, non, pas du tout. Mais au moins, ils ont fait quelque chose. Moi, j'étais contre, mais au moins, ils ont fait quelque chose. Et toi, tu fais quoi? Tu jettes toi à la poubelle. Bon, maintenant, tu es adulte. Tes choix t'appartiennent. Oui, donc, fais ton choix. Notre heure est finie. Ciao. Et il dit, mais vous voulez pas savoir si je vais revenir en cours ou pas, c'est quoi mon choix? Et il dit, non, on aura une classe mardi à 9h. Si t'es là, je saurai que c'est quoi ton choix. Meryl Streep part du bureau du sénateur et elle va au journal où elle travaille et elle parle avec un peu son chef qui lui dit, ah, mais alors, le sénateur, il t'a dit quoi? Elle me dit, mais il m'a donné une histoire, mais je suis pas convaincue. C'est que de la propagande, ça va pas du tout, je vais pas écrire cette histoire, c'est nul. Et dit, ben, si tu vas l'écrire, c'est quoi, on se base sur ton instinct féminin, quoi. Non, là, il nous faut des faits, si t'as donné des faits, vas-y, on les envoie. Il m'a pas donné des faits. Il m'a juste dit sa stratégie, sa théorie, mais j'ai aucun document. Ouais. Il dit, bon, tu réfléchis sur ça, on se revoit plus tard. On revient à la bataille, donc les deux qui étaient dans la neige, ils arrivent à se rapprocher l'un de l'autre en se déchirant presque une jambe. Bon, c'est une scène horrible. Ils se font tirer toujours par les ennemis. Et ils n'ont plus de munitions, ils se rendent compte que l'avion ne reviendra pas. Tout de suite, en tout cas pas à temps. Et du coup, Ernie, qui est tombé en premier, dit à son copain qui s'est jeté pour le sauver, vas-y, barre-toi, toi tu peux marcher, tu peux te barrer. Et les copains lui disent, non, je reste avec toi, on va mourir, mais on va pas mourir comme ça allongé, on va se lever. Donc Ernie dit, ok, d'accord, lève-moi. Il se lève, ils se font tirer là-dessous. L'avion arrive juste après bombarder, ouais. Donc trop tard. Et les deux dernières images, c'est Meryl Streep qui revient dans la voiture, qui sort de la rédaction. De la rédaction dans sa voiture et qui pleure. Et les jeunes qui rentrent dans son appartement et qui regardent la télé et qui voient en bas de l'écran de la télé la nouvelle de nouvelle attaque en Afghanistan, probablement écrite par Meryl Streep, ouais, c'est ça. Et qui réfléchit à est-ce qu'il va s'enrôler ou pas. Ouais, enfin qui réfléchit à ce que lui a dit le professeur, ouais. Et comment lui s'engager. Et regarde louche à la caméra. Fin, voilà. du film. Bravo. Merci. Alors, voilà. Ben voilà, donc on a fait le film. Alors normalement on fait un petit extrait. Mais là, on n'a pas du tout trouvé, parce que c'est un film où ça ne fait que parler. Il y a des scènes d'action, mais qui ne sont pas avec Tom Cruise. Et du coup, on trouvait ça bizarre de faire un extrait. Du coup, on ne le fait pas. Ouais, ça me semble. Voilà, on a cherché lequel. Et puis, ne trouvant pas, on s'est dit, on va démarrer direct. Donc, du coup, le film, ouais. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Vas-y, Paul. Allez, j'y vais. Y a plusieurs trucs dans ce film, je trouve. C'est que j'ai du mal à savoir exactement le discours de Robert Redford quand il fait ce film. Moi aussi. Parce que on sait que Robert Redford, c'est un réalisateur, c'est quelqu'un d'important à Hollywood, qui est clairement de gauche, qui est démocrate, qui est anti-guerre, etc., qui s'est toujours opposé à George Bush, par exemple, etc., et qui le fait dans ses films, donc c'est hyper intéressant. Mais là, vraiment, je trouve que dans ce film, ce qu'il veut raconter, j'arrive pas trop à saisir. C'est clairement anti-guerre, je pense qu'il n'y a pas trop d'illusions. Ouais. C'est assez désabusé au niveau des politiques, avec le personnage de Tom Cruise qui a l'air d'être surtout un commercial, et donc ça crée le trouble à travers tout le monde. Et tu sens un peu le film où, en gros, il raconte que la gauche américaine, elle est un peu désemparée, un peu désabusée, et assez plus que comment s'engager justement, ouais. Avec cette histoire de l'engagement, parce que lui il représente ça, quoi, le prof de sciences politiques qui a des convictions, etc., mais qui finalement se confronte et se dit mais je sais pas ce que je fais finalement, quand il se confronte à ses anciens élèves justement qui disent nous on a besoin d'être dans l'action aussi, parce qu'en plus on part pas du même endroit, enfin ça raconte un peu ça, et c'est ce qu'il essaie de transmettre au jeune Todd. Il y a Meryl Streep, c'est pareil, tu vois, c'est quel est mon engagement en fait, qu'est-ce que je dois faire pour défendre mes idéaux, essayer de faire avancer le truc. C'est assez intéressant, je pense que c'est ça, mais du coup ça fait une image hyper désabusée, parce que la fin, ça reste quand même ces deux hommes, donc un noir et un latino, qui meurent parce que eux s'engagent, et parce qu'en fait cette égalité de chance elle n'existe pas, enfin il y a un truc hyper désabusé, je trouve, et vraiment un peu triste, quoi. Ouais. Alors est-ce que c'est un peu l'idée de Robert Redford, plus c'est vraiment pleine période du coup guerre en Afghanistan, parce qu'en fait c'est temps réel quasiment, oui. Puisque 2007, ouais, c'est 6 ans après le 11 septembre, c'est plein George Bush, c'est que ça, quoi, c'est la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, c'est que ça les news. Et effectivement, c'est un moment où la gauche américaine est complètement absente et est perdue. Alors est-ce que c'est justement une manière de montrer une analyse de la période en disant en fait là, c'est que fait la gauche américaine, que font les démocrates, quoi. Est-ce que c'est ça? Je sais pas trop comment le lire, sinon c'est assez. Et puis c'est un peu dense comme film, donc ça fait barjoter. Bah aussi, c'est aussi voir tous les. Comment dire? Il te montre vachement les individualités à l'intérieur du système, entre beaucoup de guillemets, mais du coup, tout le monde est responsable et en même temps, tout le monde est victime de ce qui s'est... Tu vois, la journaliste, oui, elle écrit des articles... Elle a écrit des articles pour la guerre et tout ça, mais elle raconte qu'une grosse boîte a réacheté son journal, donc elle était obligée. Elle pensait pouvoir garder son intégrité, mais elle n'a pas réussi. Le sénateur, il dit en gros, on est engagé dans cette guerre, donc il nous faut gagner, mais on ne peut pas faire autrement. Les deux jeunes qui s'enrôlent disent en gros... Oui, on est obligé de faire ça, sinon pas, en fait. C'est mort. Et les professeurs, il a commencé sa carrière en croyant des grandes choses, il se retrouve coincé dans un système universitaire qui fait rien, et du coup, lui, il essaye juste d'échoper les élèves avec du potentiel et de trouver de l'espoir là-dedans, quoi. C'est ce que lui dit Todd, en fait. Ouais. En gros, à un moment, il lui dit, mais vous faites quoi concrètement? Il dit, moi, en fait, mon objectif, c'est de permettre aux jeunes de se développer. Quoi. Voilà. Mais effectivement, hein, ces trucs-là, de toutes les connexions de tout le monde à travers ce système et l'impuissance de chacun à leur échelle, et c'est intéressant. Quoi. Ouais, c'est intéressant. Après, et je trouve que le personnage du jeune qui ne sait pas trop c'est quoi son choix, c'est la position du public qui s'est dit « Et du coup, qu'est-ce que je fous ?» Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je fais ? Mais bon, après, les discours du professeur, je le trouve louche quand même. Ouais. Il est quand même, il dit non, mais moi je veux pas t'enrôler. Mais regarde, eux, ils se sont enrôlés, ils ont fait quelque chose. Et toi, tu vas faire quoi? Mais après, c'est peut-être aussi parce que lui, il était clairement quand c'est le fait que ses élèves qu'il aimait beaucoup et donc pour qui il avait beaucoup d'espoir, eux se sont engagés en fait. Alors que lui, il était, on va dire par principe anti-engagement, anti-guerre. Ouais. Parce qu'en plus, lui, c'est un vétéran du Vietnam aussi. Oui, il y a ça, c'est le truc. Et que lui, il a pas, c'est pas lui qui s'est engagé. Il a été enrôlé. Donc, c'est un autre système. Et je pense que c'est ça. Lui, ça le confronte à ses idéaux, en fait. Parce que eux, ils disent, effectivement, on peut être anti-guerre, mais l'engagement signifie quelque chose. Mmh. Et c'est ça qui, je pense, fait bouger le personnage de Robert Redford, qui fait qu'il peut l'évoquer ensuite à Todd, tout en restant anti-guerre et en lui disant, en gros, c'est pas le but, c'est pas que tu t'enrôles à la guerre, mais ça signifie quelque chose en fait. Et qu'est-ce que c'est, en gros, mettre du sens dans les actions que tu fais, de pas d'avoir des réflexions, mais ensuite de faire des actions par sens. Ce qu'ont fait ces deux élèves d'avant, quoi. Voilà. Ouais. Mais après, en tant que film, c'est un peu bizarre, je trouve, parce que t'as les qualités de jeu qui sont assez claires. Hein. Je pense que tout le monde joue super bien. Ça, c'est, y a pas photo. Après, en termes de réalisation, moi, je trouve que ça, le côté d'avoir trois histoires en parallèle, c'est pas si fluide que ça, je trouve. Tu vois, entre les passages de l'un à l'autre, ça se répond pas forcément bien. Je trouve que c'est pas limpide. Après, il est très court comme film. Il fait 1h20, 1h15, 1h20. 1h30, 1h20. Et il est court, mais je trouve pas super fluide. Et puis très très bavard. Du coup, c'est un peu. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup de discussions rhétoriques, mais il se passe pas grand chose à part l'histoire des militaires. Et encore, ce n'est pas non plus. Et c'est une heure de leur vie, quoi. Et t'as pas beaucoup de respiration, du coup. Dans c'est un film quand même qui est dense en termes de discussion, et puis t'as besoin de prendre du recul. Et c'est vrai que dedans, t'as très peu de respiration. Du coup, t'as pas le. Je trouve que c'est difficile d'intégrer tous les trucs du film, quoi. Faut vraiment prendre le temps après pour essayer de comprendre ce qu'il veut raconter, quoi. Et c'est même pas si évident, quoi. Il est pas limpide. Non, il est pas limpide. Mais bon. c'est après, c'est chouette, c'est vrai, il joue super bien. Ouais. Ça, c'est l'avantage, t'as Robert Redford, Meryl Streep, Tom Cruise, Andrew Garfield aussi, est bien, est même les deux, même Ariane et Ernie, hein. C'est Michael Pena et j'ai perdu le nom, j'avais noté, mais j'ai perdu le nom, je l'ai pas noté, mais c'est pareil, c'est super acteurs, qui font vraiment ça bien, mais voilà. C'est très mitigé comme mon retour, je trouve. Moi aussi, je suis pas. Je sais pas. Pas enflammax. Non, pas enflammé, non. Et la presse, enfin, les critiques, c'est pareil, elles sont pas super enflammées. Et un peu pour les mêmes raisons, de se dire, mais il y a ce truc-là, de dire, ben, qu'est-ce que ça raconte exactement. Enfin, moi, j'ai lu après, du coup, un peu les avis des Américains et tout, et c'est très mitigé. C'est en gros dire, il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon film, mais on sait pas trop où ça veut aller, et du coup c'est très difficile à lire comme film. Bah aussi parce que il a quand même choisi des discussions c'est une heure de discussion, la plupart du film c'est ces discussions, et c'est vrai que c'est qui est champ contre champ, et c'est un peu ça dit tout et l'envers. C'est vraiment des discussions rhétoriques qui sont intéressantes, mais bon, vraiment, on est bloqué à l'intérieur de ces bureaux. Je sais pas, moi, ça m'a pas. Le choix de cette mise en scène-là, bof. Ouais, mais c'est délicat, en fait, effectivement. Ouais, parce que tu as. Comment tu trouves. Tu vois, il y a des films qui ont cette manière de faire, d'avoir des histoires en parallèle. C'est bien, j'aime bien d'habitude. Ouais, bah tu vois, Magnolia, c'est un peu ça. Mais Magnolia, bon, c'est quand même une autre écriture, du coup, je pense. Ouais. Parce que c'est pas basé que sur de la rhétorique. Il y a aussi dans Magnolia, ils trouvent des actions qui racontent le discours. C'est ça aussi. Là, c'est vrai que c'est vraiment purement sur de la réflexion personnelle. Et du coup, c'est en gros, comment tu réfléchis pour passer à l'action. C'est un peu ça, tu vois, le discours. Et effectivement, du coup, ils sont que dans ça. Il y a personne qui passe à l'action à part les deux militaires, en fait. Et du coup, on est bloqué aussi, mécaniquement, dans la mise en scène, parce qu'il y en a aucun qui passe à l'action, puisqu'ils sont tous à réfléchir à pourquoi et comment ils passent à l'action. Même le sénateur, en fait. Complètement. Son truc, c'est mon action, c'est de communiquer sur ça, c'est de jauger le truc. Et j'ai retrouvé le nom de l'acteur, c'est Derek Luke. Derek Luke. Voilà. Comme ça, c'est bon. J'aurais fait tout le monde. Très bien. Enfin, les principaux. Ouais, quand même. Voilà. Bon, on se fait. Qu'est-ce que. Alors, petit point. Oscar. On fait un petit point Oscar, bien sûr. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. Et oui, les Oscars. Et oui. Petite statuette dorée qui sont remises aux meilleurs artisans du cinéma hollywoodien. Ouais. Que Tom Cruise n'a jamais eu. Non. Qu'il aura un jour. Pas encore. Ça, on en est assez persuadé. Maintenant qu'il a eu sa palme d'honneur à Cannes, je pense que les Oscars sont obligés de s'aligner. Mais il n'en a pas eu. Pour ce film, pas de nomination, rien du tout, mais des gens qui ont eu des Oscars. Et alors, pas n'importe qui. Et il y en a un paquet. Il y a record woman, même, on peut dire sans trop spoiler. Record personne, non ? C'est la personne qui a le plus d'Oscars. De nominations. Des nominations Oscars. Je ne suis pas sûr que c'est celle qui est le plus. On parle de Meryl Streep. Hein. Oui. Voilà. Mais des nominations. De nominations, je crois que c'est sûr parce que j'ai compté, elle en a 18 nominations. Enfin, en tout, elle en a 21 nominations. Oui. C'est énorme. T'as peut-être John Williams, mais bon, en tant qu'acteur, actrice, il n'y a pas mieux. Et elle en a eu 3 des Oscars seulement. Je pensais qu'elle en avait eu 4, mais non, elle en a 3. Elle a eu quoi Sophie's Choice, The Iron Lady récemment, et Kramer contre Kramer. Ah oui. Ouais. Yeah. Et je me demande si le record, c'est pas 4 et ce serait pas Daniel Day-Lewis. Ah, les bâtards, toujours lui. Il en a eu 4. Ben, je suis 3 sûr, mais 4. Faudra vérifier. Mais en tout cas, ça se joue par là. Hein. Il y a au niveau des records des Oscars. Mais bon, il n'y a pas que Meryl Streep dans la vie. Et non, ouais. Il y a qui d'autre ? Robert Redford. Il y a Robert Redford, évidemment, qui avait eu un Oscar à la réalisation pour Ordinary People et qui a eu un Oscar d'honneur. Ah ouais. En 2012, un truc comme ça. Pour sa carrière. Et en tant qu'acteur, il a eu une nomination seulement pour L'Arnaque avec Paul Newman. C'est un super film. C'est génial. J'adore ce film. Trop bien, c'est très, très bien. Voilà, tu veux. Robert Redford et Paul Newman dans L'Arnaque, c'est génial. Bon, après, c'est comme Butch Cassidy et Le Kid. C'est bien. La belle époque, en plus. C'est la classe. Ah. Et il a eu aussi une autre nomination en tant que réalisateur pour Quiz Show. Ah, je vois pas. Moi non plus. Mais je pensais qu'il avait eu pour Au milieu coule une rivière, mais en fait, il n'y a rien. Il n'y a pas eu d'Oscar de réal sur ça. J'étais persuadé. Ah bon ? Ouais. Bon. Qui d'autre a eu des Oscars ? Moi, j'ai 2 autres personnes qui ont des Oscars. Pour info, Andrew Garfield, qui a une jeune carrière, il a déjà 2 nominations quand même. Il n'a pas eu, mais il en a déjà 2, donc c'est pas mal. Mais il y a 2 autres personnes, voilà, c'est technique. Qui ont eu. Bon, montage. Au montage, ouais. Ouais. John Hutching. Qui a eu 2 Oscars pour JFK et Né un 4 juillet. Ah ouais. C'est le menteur de Oliver Stone, en fait. Yeah. Donc voilà. Ouais. Et pour Philippe Rousselot, qui est directeur photo de Robert Redford, qui avait eu un Oscar sur Au milieu coule une rivière, justement. Ah. Mais moi, la photo dans ce film, bof. Alors, moi, j'avais une version un peu toute dégueulasse, très sombre, où je trouvais pas ça. Ah, moi aussi, peut-être, j'avais une version dégueulasse. On avait la même version dégueulasse. Parce que dans la bataille et tout, tu vois rien. Ouais. Alors, je sais pas s'il y a des versions meilleures. Mais... Moi, c'était pas une super résolution. Ah ouais, peut-être. Donc, peut-être une meilleure résolution. Je sais pas. J'étais pas sur un écran géant. J'étais pas dans une salle Dolby Atmos. Non, moi avec non des plus. Noirs que vous n'avez jamais vus. Rappelons-le. J'espère qu'on sera sponsorisé par Dolby Atmos un jour. Wow. Avec toute la pub qu'on a fait sur fauteuils et tout. Franchement, n'hésitez pas. Si vous nous écoutez, monsieur et madame Dolby, Atmos. Appelez-nous. Les sous-sous. Les Oscars, c'est bon. Hein. Du coup, j'ai pas été chercher plus loin. Les sous-sous, c'est un petit film qui coûte pas trop cher, mais qui coûte quand même 35 millions de dollars. Ah, quand même, les pas chers à Hollywood. Les pas chers à Hollywood, c'est plein de maisons. Quoi. Ouais, t'as 35 millions, t'es c'est pas mal. Bon, 35, mais il en rapporte combien, d'après toi ? Pas beaucoup, parce que c'était un peu un flop. Ça a fait un flop, ouais. Ah ouais. Combien ? 65 millions. Ah, quand oui, même. Oui, ça rembourse. Ça rembourse. Oui, mais c'est pas foufou. Non, c'est pas. Quand t'as Meryl Streep, Robert Redford et Tom Cruise, tu te dis normalement ça doit rentrer des ronds, mais. Non, mais c'est ouf, ça veut dire qu'ils sont à un point, que même les flops, tu gagnes quand même les doubles de ce que t'as mis. Bah, Hollywood, ça déconne pas quand même. C'est rare d'avoir des films où tu perds de l'argent. Ouais. C'est quand même rare. Et normalement, si ça arrive, il y a au moins quelqu'un dans l'équipe qui ne travaillera plus jamais de sa vie à Hollywood. Oui, c'est vrai. Je pense que ça, c'est un peu le truc de base, quoi. Même si tu perds un million sur un film, ce qui est peanuts pour Hollywood, les mecs, ils disent, on te rappelle plus jamais. Oui, c'est vrai. Et la pression. C'est risqué. Tom Cruise, du coup, qui n'a pas eu de star, j'ai pas trouvé son salaire. Je pense que c'était pas. Bah, 35 millions, ça devait pas être de ouf parce que Meryl Streep, elle prend beaucoup aussi. En plus, tu sais, c'est la période où il est. Bon, après, à nuancer, parce que c'est la période où Tom Cruise, il vient de sortir de La Guerre des Mondes où il a 100 millions de cachets. Ouais. Mission Impossible 75, enfin, il en a beaucoup. Mais c'est toujours dans les 20-25 millions pour Tom Cruise dans ces eaux-là, au minimum. Tu vois, mais c'est pas lui qui produit, normalement. Sur les budgets à 35. Mais sur un budget à 35, je pense pas. Non. Mais en plus, surtout qu'il l'a dit que. Parce que je me suis demandé quand même pourquoi il avait choisi ce film-là, etc. Il le fait parce que c'est Robert Redford. Oui. Clairement, il avait envie de tourner avec lui et ça l'intéressait. Après. Est-ce que ça raconte ? Je ne sais pas trop, mais voilà. Bah, peut-être que Meryl Streep aussi, ça l'intéressait d'être face à face avec elle. Ouais, c'est plutôt cool. Ah ouais, ça fait des chouettes scènes. Ah ouais, carrément. Moi, j'ai bien aimé, comment dire, je trouve qu'il est bien choisi justement pour ces rôles-là, parce que ça lui va comme un gant. Ouais. C'est hyper cynique en fait, ce truc de... En fait, ça joue aussi avec son image, parce que là, il fait vraiment le jeune sénateur aux dents longues, qui est un spécialiste de la com, qui a toujours beaucoup de réparties, très sûr de lui. Donc, ça joue aussi avec cette image de Tom Cruise. Et qui parle aussi de l'11 septembre, en sachant que c'est lui qui avait parlé des 11 septembre aux Oscars et tout ça. Il y a quand même un... C'est au-delà de sa façon de jouer, c'est vraiment lié à Tom Cruise et à son rôle, même lié à la guerre, tu vois. Ouais. Qui dit il faut le faire, je pense c'est pas loin de sa personne, c'est un peu bizarre, mais et justement on va anticiper, c'est un peu le bordel aujourd'hui, mais je vais poser ma question parce que c'était un petit peu ça ma question. J'avais prévu une question, vas-y. Et oui, la question qui n'est pas au bon moment, au bon endroit. Mais, si. Mais c'est pas grave. Non, parce que du coup, c'est par rapport à ce que tu dis, en fait. C'est Tom Cruise et son positionnement politiquement, tu vois. Parce que c'est vrai qu'à Hollywood, c'est toujours un peu particulier. Il y en a qui sont clairement de gauche, clairement de droite. Enfin, tu vois, Robert Redford, il n'a jamais rien caché. Il s'engage sur ça. Tom Cruise, ça fait partie de ces personnes où tu ne sais pas vraiment... s'il y a une motivation politique derrière ses choix. Sur un film comme ça, tu sais clairement que c'est un film de gauche, tu sais de quoi ça va parler forcément, tu sais que tu vas incarner un sénateur républicain qui n'a pas le bon rôle, enfin, qui fait un peu le pourri, tu vois. Ça peut être considéré comme un rôle de méchant, entre guillemets, quoi, par rapport à l'histoire qu'il y a, tu vois. Enfin, en tout cas, de personnage très trouble. Oui, trouble. Et qui n'a pas forcément l'air honnête, mais on ne sait pas. Et en ça, par rapport à ce que tu dis, c'est intéressant parce que Tom Cruise, c'est pareil. On arrive des fois à se dire, il incarne quelque chose, genre dans Top Gun, il incarne quelque chose de très réganien, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il pense au fond, on ne sait pas. Comme son personnage dans le film, tu vois. On ne sait pas exactement ce qu'il pense. On sait ce qu'il incarne, on sait ce qu'il doit communiquer, mais on ne sait pas ce qu'il pense. Et moi, je me refaisais ça. Je me disais, en regardant la carrière de Tom Cruise, en fait, est-ce qu'on peut en déduire un positionnement politique clair ? En fait, ça paraît hyper compliqué, tu vois. Bah, je pense qu'il est quand même, je sais pas, mais j'ai l'impression que par rapport à sa carrière, il est quand même, il est pas pro-guerre, mais il est pro-militaire. Ouais. Il est pro, de tous ces gens qui s'engagent, que le film fait un peu aussi, tu vois, et et qui est très fort aux États-Unis, de dire les gens qui ont servi. Ouais, le gros respect pour les militaires. Voilà, les gros respects pour les militaires. Là, vraiment, plus. Après, je ne suis pas sûre qu'ils soient vraiment pro-guerre en soi. Mais je pense que oui, les militaires, ils seraient très fiers de dire dans un entretien je salue les militaires, ils sont nos héros. C'est peut-être le rôle qu'il a le plus incarné, mais le rôle des militaires. Hein. Et en même temps, à des échelles très différentes, que ce soit entre Top Gun ou Né un 4 juillet. Enfin, clairement. Mais tu vois, Né un 4 juillet, c'est pareil, politiquement, ça raconte quelque chose de très fort. effectivement, il y a ce truc d'énorme respect pour la fonction militaire et pour, on va dire, le rôle militaire. Ouais. Je pense qu'il a plus de respect pour les militaires que pour les politiques, clairement. Tout à fait. Tu vois. Ouais, ouais, complètement. Après, je me demande si quand même avec Bush, ils n'étaient pas un peu proches, quand même. Ah ouais, mais ça, ouais, je me suis demandé par rapport à la photo qu'il y a dans les bureaux, si ce n'est pas une vraie photo. Alors moi, sur les photos, j'avais juste vu que la photo où il est en jeune militaire, c'est une photo de tournage de TAPS. Ah, sérieux ? C'est rigolo. Ah, trop bien. Du coup, parce que je cherchais ça, je me disais, ah, est-ce que c'est des... Mais bon, je n'ai pas trouvé l'info. Ouais. Mais après, personne ne connaît le positionnement. Il n'a jamais fait part. Et en même temps, sa filmographie raconte des trucs, tu vois. Ouais. Par rapport à la guerre du Vietnam, par rapport à la guerre en Afghanistan, ça raconte quelque chose. Enfin... Même à une autre échelle, quand il va jouer Magnolia, où il joue le rôle d'un gourou de secte, alors qu'il fait partie d'une secte, c'est pareil, c'est des trucs hyper troubles. Oui, oui, oui, c'est troublant. Et c'est assez. Et en ça, ça rejoint un peu les trucs qu'on dit sur le côté. Pas trouble, mais secret des stars, quoi. La star d'Hollywood, c'est ça. Et un truc, c'est très difficile à comprendre. Bah, après, je pense que lui, il est très conscient de son image et de ce qu'il renvoie au public. Donc, ce qu'il représente quelque part pour les États-Unis, qui peut-être n'est pas lui-même, mais il a une image publique. Et je crois qu'il joue vachement avec ça. Mais tous les personnages, même les plus dégueulasses qu'il joue, ils ont leur dignité. Ils ont raison quelque part. Tu vois. Oui, je n'ai jamais un salopard complet. Oui, sauf même dans Collateral. Mais non, dans Collateral, c'est un mec, c'est un méchant parce qu'il tue des gens, mais en fait, il c'est son métier. Ouais, enfin, il est raisonnable quelque part. Ouais, et là aussi, quand il parle de, il faut gagner, on peut pas retirer les troupes comme ça, un peu démasquer la gauche américaine qui voudrait des trucs, mais sans être, comment dire. Oui, c'est ça, de faire rapatrier les militaires sans être sûr qu'ils seront en sécurité et que le peuple sur place. Ouais. Ouais, il met face, il met Mary Strip face à ces. Bah, c'est des contradictions. Enfin, paradoxe, quoi. Ouais, tout à fait. Mais effectivement, bon, ça, c'est une constante. C'est une constante dans tous les rôles, de Tom Cruise, c'est qu'ils ont une dignité et qu'ils sont intègres par rapport à leurs valeurs. Enfin, on va en parler d'ici quelques épisodes. On va parler dans Valkyrie, notamment. Oui. C'est flagrant. Oui, carrément. C'est presque que ça. Oui, mais c'est intéressant effectivement. C'est plus un homme qui, enfin, dans sa filmographie, va plus défendre des valeurs d'intégrité que des positionnements politiques. Ouais. Ouais. C'est pas mal. Ça me paraît une bonne réponse à cette question. Très bien. Merci. Est-ce que t'as d'autres choses à dire ou est-ce qu'on se fait un cruisomètre? Et Tom Cruise, on en parle pas? Ben, on en a un peu parlé quand même. Ah oui, mais dans le film. Dans le film. Moi, j'aime bien. Non, je trouve que. Après, on l'a un peu dit, tu vois. Il incarne bien le truc, il joue bien avec ça, avec ce côté cynique et ce côté les dents longues et vraiment façade, quoi. Oui. C'est un personnage de façade, mais et qui n'est pas un manipulateur, mais qui sait comment jouer le truc, quoi. Oui, qui va jouer avec les attentes de Meryl Streep. Ça fait une super confrontation parce que tu as Meryl Streep qui est une journaliste qui a de la bouteille. Tu te dis, normalement, elle a de l'assurance, mais elle est un peu troublée par ce truc-là parce qu'il la questionne aussi, finalement. Et la charme aussi. Pas mal de moments, il arrive à la charmer ou à la prendre dans son. Et ça, c'est bien joué, tu vois, montrer ce côté fascinant du politique, même si tu n'arrives jamais à savoir exactement ce qu'il pense. Ouais. C'est hyper, hyper chouette. Et ça fait une belle opposition, et puis c'est cool de faire un petit duo avec Meryl Streep. Quand même, petit cadeau, quoi. Ouais, ça joue bien, hein. Ouais. On va pas s'en plaindre. Ok, c'est bon. On peut faire les cruisomètres. Alors, le cruisomètre, je me trompe pas de bouton, parce que j'arrête pas de me tromper depuis tout à l'heure. C'est l'heure du cruisomètre. Et oui, le cruisomètre, cette échelle de 0 à 100, où nous donnons notre appréciation suite au film, Tom Cruise, l'importance. Est-ce qu'on en a pas, c'est... Ouais, c'est un petit mélange. Alors Alors. De 0 à... Alors. Moi, je pensais donner rien. Tu veux... Pas zéro, mais très peu. Alors, si tu donnes rien, le problème, c'est que c'est ma note qui va tout faire. Et oui. Non, mais après cette discussion, j'ai envie de donner un peu plus. Tu vois. Je pensais vraiment donner genre 10... Oh. Un truc comme ça, je te jure. Ouais, d'accord. Très, très dur. En même temps, voilà, après tout ce qu'on a dit, c'est vrai, il joue avec Meryl Streep dans un film de Robert Redford. Les rôles, il est bien, il joue bien. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup de films dans cette époque qui sont aussi bien que ça. Il faut donner un peu plus, quoi. Mais je le trouvais pas si brillant que ça. Ouais. Je sais pas comment dire. Bah, et puis, il en plus... fait son job, il joue bien. Oui, c'est et puis pas... c'est un film qui passe un peu sous les radars, qui a pas marqué. Ouais. Donc c'est compliqué de faire une note haute. Après, moi, j'ai du mal, tu vois, sur les films comme ça, où ça te laisse un peu... ouais, c'est vrai. C'est un vrai. Peu sur ta faim, à mettre carrément un chronomètre négatif. Parce qu'en fait, pour moi, quand on descend, tu vois, sous les 30%, sous les 40%, sous les 30%, c'est que vraiment, ça devient presque négatif pour sa carrière et pour l'image, quoi. Et oui, oui. Et ça, c'est genre, pas... Zénith, les trucs comme Cocktail, les trucs comme ça. Oui, mais là, non, je suis noyée, que... moi, dans les crossovers. Donc, je suis à l'instant, je me dis, non. Ouais, mais c'est beau. C'est très beau. Moi, j'aime bien. Que tu... Mais non, du coup, oui, en effet, peut-être pas plus que 40, mais 40, ouais. 40, ça te... Ouais, ça 40, te ça me parle. Ouais, bah, parce que 50%, ça me semble trop de rester dans le moyen. Mais 40, tu vois, pas trop bien, mais quand même. Oui, oui. Pas, c'est pas un échec c'est total. C'est pas la cata, quoi. Mais il y a des trucs à prendre, mais c'est pas suffisant pour grimper. Je le regarderai pas une deuxième fois. Ouais. Je pense. Non, c'est jamais. À voir. C'est vrai. Si on chope un bon Blu-ray avec une belle qualité, peut-être que... Peut-être dans une salle Dolby Atmos. Wink, wink, monsieur, ouais. Madame Atmos. Et toi? Moi, j'étais parti sur 44%. Ouais. En fait, cool. Comme d'hab, j'ai fait ma petite fourchette pour me dire ça peut pas être plus bas que ça parce que sinon c'est un peu un peu abusé, tu vois. Et au-dessus, c'était délicat. J'arrivais pas à le mettre, tu vois, en termes de films militaro-politiques, etc. Moi, je me base un peu autour de Taps, tu vois. Comme ouais, Taps, en plus, moi, Taps, dans mon classement, il est à 50%. C'est vraiment mon niveau, mon niveau référence. Du coup, j'essaie de jauger un petit peu entre tout ça. Ouais, et puis il y en a pas mal de films qui tournent autour de ça, donc c'est assez rigolo. Donc là, 44. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de films militaires. Ouais, mais après, tu vois, il fait le politicien, là, il fait le politicien, il a fait l'avocat militaire, soldat, enfin, il fait le vétéran, c'est intéressant. Ouais, Top Gun, il y a une thématique militaire dans la film de Tom Cruise qui est assez impressionnante. Et oui, et c'est pas encore fini, quoi. Et il y en a encore. Il y en a encore. Waouh. Ok. Et oui, alors on enregistre Top Gun 2, 1 milliard de box-office. C'est le gros n'importe quoi et continue. Hein. Et ouais, c'est fou. J'ai vu sur son cachet 125 millions maintenant, il a dépassé le. Ah ben non, mais là, ça, bah oui, parce que les intéressements, si t'imagines, et c'est ouais. 1 milliard. Il prend, je sais pas combien, 10% sur 1 dollar. C'est énorme. C'est énorme ce qu'il doit rentrer. C'est. Encore une fois, ce qu'on disait la dernière fois, ça peut-être beaucoup, en fait. Ça, on comprend les attentes du public par rapport à ce genre de film. Enfin là, ça fait trop. C'est beaucoup, quoi. De se dire que c'est le film qui aura le plus cartonné de la filmographie de Tom Cruise, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Et même en prenant l'inflation. Et même, je pense, peut-être dans l'histoire du cinéma, il n'est pas si mal mis que ça. Ah bah, du quoi. Coup, ça, ouais, il est en ça train de monter très très haut. C'est assez impressionnant. C'est... Je sais, je me suis amusé à regarder les films, tu sais, avec le box-office, avec l'inflation, donc compenser chaque année un petit peu. Et il y en a aucun de tête, je crois qu'il y en a aucun qui arrive au-dessus à ce niveau-là, quoi. C'est stratosphérique. Folie. C'est la folie. Ouais. Bref. Bref. Mais on n'est pas là pour parler de Tom Cruise. Oui, par contre, je vais te donner le Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes, ils ont été très sévères, ils ont mis 27% en agrégation critique. Ben ouais. Et vraiment, les critiques, ça mitigé. Ouais, c'est plus que mitigé, c'est plutôt de dire il y en a plein, c'est un peu genre c'est du gâchis d'avoir un casting comme ça et de finalement pas raconter tant de trucs. Il y en a plein qui pointent le côté pas méga mis en scène. Bah ça c'est sûr. Il y en a qui pointent le côté au niveau idéologique, on sait pas où ça veut aller, enfin et du coup tout énorme déception pour tout le monde, tu vois. Alors je sais pas dans quelle mesure il était très attendu ou pas, j'ai pas l'impression qu'il était très attendu ce film. Bah quand même même si quand tu enfin tu vois, il est pas attendu mais tu le vois, tu te dis ouais, Redford, Meryl Streep, Tom Cruise, on y va quoi. Ouais. Bon, après, c'est une période on est dans la période quand même où Tom Cruise fait pas tant vendre que ça parce qu'il est vraiment tombé assez bas, du coup, après la guerre des mondes. Donc, Et pour info, les Français sur Allociné, 2,6, ce qui n'est pas énorme. C'est pas énorme. Ça, c'est... Alors qu'Allociné, souvent, ils sont gentils, les gens. Ouais, enfin, ils sont gentils. 3,5. Mais... Ouais, voilà. Donc, voilà, je crois qu'on a fait un cruisomètre, on a fait tout ce qu'il faut. Il nous reste plus une petite recommandation. Après, on se quitte. Ouais. Alors, recommandation. Ma recommandation, c'est un film de Meryl Streep. Avec Mary Streep, de Robert Altman. C'était les derniers films de sa carrière et c'est trop trop bien. Ça s'appelle en français The Last Show, je crois. J'ai vu. Oui. The Last Show, ça te dit quelque chose? Ouais, ouais, ouais. Et c'est pas le... Attends, je retrouve. Les titres en américain, c'est un titre... A Prairie Home Companion. Mais les titres compliqués. En fait, c'est les noms des... C'est que The Last Show, c'est vrai. The Last Show. Je pense que... En fait, c'est les noms de l'émission, A Prairie Home Companion, oui. D'une émission radio qui se faisait en public dans l'époque où, aux États-Unis, dans le fin fond des États-Unis, ils faisaient des espèces de spectacles où c'était toujours un peu, à peu près les mêmes chansons avec les mêmes... un espèce de spectacle de théâtre, mais enregistré avec des chants plutôt country et tout ça. Et c'est trop bien tourné. Mary Steve, elle est magnifique. Il y a plein de comédiens génialissimes. Il est trop bien, ce film. Et en fait, c'est les dernières. La radio, elle va être arrêtée. Cette émission va être. Déprogrammée. Déprogrammée. Et donc, ils font le dernier show avec le public et tout. Et c'est trop touchant. C'est le dernier film de Robert Altman. Ouais. Je l'avais raté à l'époque et j'ai pas vu. C'est trop bien. Trop bien. C'est triste, hein, mais chouette. Mais ouais. Vraiment chouette. Cool. Et elle a un super rôle, je trouve. Ouais. Bref. Et toi? Et alors, moi, du coup, j'ai découvert quelque chose ces derniers temps. Alors quoi? J'ai découvert Twitch. Le truc en live. Oui. Non, en fait, bon, c'est une recommandation un peu bizarre. C'est qu'en fait, j'écoutais un podcast. C'est un podcast de jeux de rôle en direct. Enfin, pas en direct. Enfin, des gens qui font du jeu de rôle et puis c'est enregistré, quoi. Ah oui. Voilà. Et après, j'ai appris qu'en fait, ils faisaient ça sur Twitch et que les podcasts, c'était un replay juste. Oui. Pour moi, c'était un podcast. Bref. Peu importe. Qu'est-ce que c'est Twitch? Parce que peut-être qu'il y a Twitch. La plupart des gens ne Twitch, savent pas. C'est une plateforme où tu fais du direct, tu fais du un live streaming, en streaming, en vidéo, tout ça, machin. Et donc, j'ai appris que toute cette équipe qui faisait du jeu de rôle en direct sur Twitch, que j'écoutais en podcast, ça s'appelle Game of Role. Et en fait, ils font des campagnes de jeux de rôle en mode des dragons, des machins, tout ça. Et en fait, ils ont fait un truc qui est génialissime. Pendant la présidentielle française, alors c'est le raccord, hein, c'est pas une recommandation politique, quoi. Et ils ont fait un jeu de rôle politique présidentielle française. Donc, c'est que des faux candidats. Chaque joueur fait un faux candidat. Il y a le maître de jeu qui donne des règles pour que ce soit un petit peu rigolo. Ah, trop bien. Et en fait, c'est vraiment, ça s'appelle Les Deux Tours. Les Deux Tours. Ok. Donc c'est une blague avec le truc des Seigneurs des Anneaux. Trop bien. C'est sur la, je sais plus sur quelle chaîne c'est de, enfin sur les podcasts tu cherches Game of Role, Les Deux Tours, normalement tu trouves. Trop bien. Et ils ont tous des personnages différents, ils essayent de pas tomber trop dans la caricature, tu vois. Parce que ça peut être vite le truc qui peut être chiant, tu vois, surtout sur un jeu de rôle comme ça. Mais comme ils se sentaient une responsabilité aussi en termes de visibilité, tu vois, de parler politique un peu sérieusement et de pas faire que de la blague et tout ça, ils ont fait ça avec France Info. C'est France Info qui les a accueillis dans les studios, etc., qui ont fait des petites pastilles d'infos. Enfin, c'est vraiment bien foutu. Et c'est hyper prenant. Et tous les joueurs, vraiment, jouent des personnages pas trop caricaturaux. Tu vois. Ils essayent de se mettre dans la posture de comment tu vas répondre à telle invective, etc. Et c'est hyper intéressant. Quoi. Trop bien. Et c'était vraiment une chouette découverte, à la fois hyper ludique et en même temps, qui a une approche politique et hyper, hyper chouette. Quoi. Voilà. Ah, je vais l'écouter. C'était assez marrant. C'est en 3-4 épisodes, je sais plus. Mais ah ouais, quand même. C'était marrant. Et ils ont fait ça juste avant la présidentielle de cette année. Trop bien. Voilà. Belle recommandation. Merci. Alors, on se retrouve dans 2 semaines pour parler de Tropic Thunder. Tropic Thunder. Tropic Thunder. Tonnerre sous les tropiques, ce sera notre épisode 29. D'ici là, vous n'hésitez pas, on est retrouvable sur toutes les plateformes qui traînent à droite à gauche. Merci PodCloud. Merci à PodCloud, nos copains qui y hébergent. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux @cruzometer. On est sur Twitter, Instagram, vous n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. Et vous retrouvez tous les épisodes aussi sur le site internet cruzecontrol.card.co, C-A-2-R-D. .co. Et puis voilà, vous avez aussi tous les hors-séries, les lives, enfin tout un tas de trucs. Vous avez le temps, là c'est l'été, vous avez le temps pendant les vacances d'écouter, de tout réécouter, regarder les films. Enfin, d'abord écoutez les podcasts et après vous choisissez quel film vous regardez, oui, comme ça vous perdez pas de temps. Ouais. Il y a des gens sinon ils disent ah, j'écoute pas le podcast tant que j'ai pas vu le film, mais sauf que une fois que t'écoutes le podcast, tu te rends compte qu'il fallait pas regarder le film, tu vois. Et ouais. Et vous avez un avantage, c'est que Serena spoil tous les films. Ouais. Mais c'est quasiment que des films spoilables. Hein. Ça va. C'est pas très grave. Et de toute façon, je crois pas au spoil. ça va. Non, mais tu regardes les films, même si tu sais, c'est beau, si les oui, beaux, voilà. C'est beau. Ouais, là, le seul spoil là où c'est chiant, c'est quand ça va être un truc vraiment où le twist fait partie du truc. Et si t'as pas cette surprise-là, c'est un peu dommage, quoi, si tu perds une partie. Mais il n'y en a finalement pas tant que ça, des films comme ça. Bref, après cette petite digression, on vous dit à dans 2 semaines, donc pour Tropic Thunder, et on vous fait des bisous. Bisous.